Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va se remettre à l'heure, on va dire à l'heure avancée de l'Halloween. Alors les enfants se préparent pour la cueillette des bonbons, chocolat et autres friandises. Dans ces friandises, il y a un petit quelque chose souvent associé au plaisir ou à la passion, mais qui fait aussi l'objet d'une phobie et de controverses. Alors vous avez deviné, il s'agit du sucre. Le sujet de Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition. Bonjour Karine. Bonjour François. Donc le goût sucré, il est lié au plaisir. C'est possiblement pour cette raison-là qu'il est l'objet de controverses et depuis très longtemps. C'est pas du tout récent, ces controverses-là. OK. Alors, on peut dire que c'est un goût que tout le monde aime, n'est-ce pas? Oui, les physiologistes s'entendent pour dire que c'est un goût qui est inné, parce que même avant de naître, on aime le sucre. Ah, donc bon? Ça, je trouve que c'est fascinant, parce que les cellules gustatives du fœtus se développent dès la 7e semaine de gestation. Elles sont fonctionnelles à la 13e semaine. Le fœtus perçoit les goûts et les odeurs via le liquide amniotique. Et ce qui veut dire qu'à la naissance, le bébé aura déjà des préférences alimentaires. Donc, il y a des travaux de recherche qui ont été réalisés auprès de petits bébés d'à peine 12 heures de vie. Ce sont les travaux de Mati Shiva, qui est un docteur en psychologie qui est français. Et ces travaux-là ont été réalisés là, surtout au cours des années 80. Et les résultats ont montré que le bébé a des réactions innées qui lui permettent de rechercher le sucré et d'éviter l'amer. D'ailleurs, le goût sucré stimule sa succion puis possède aussi un effet qui est calmant. Donc, c'est démontré. Uh-huh. Et est-ce que les autres goûts, comme le salé, l'acide, sont aussi innés? Non. À part le sucre, le goût pour le sucre qui est inné, les autres goûts s'acquièrent avec l'apprentissage et l'éducation là, par la suite. D'ailleurs, okay. Le bébé qui est âgé de seulement 12 heures réagit au goût salé, acide et amer en faisant des grimaces. Donc, il y a des photos. Son visage n'est pas du tout pareil comme pour le goût sucré. OK. Donc, comme tu le disais plus tôt, le sucre a fait l'objet de plusieurs controverses dans l'histoire. Oui. Au cours des siècles, dans différents milieux, milieux médical, économique et religieux, le sucre a été représenté de différentes façons. Par exemple, il y a eu le sucre qui était un médicament au départ, bon? Okay. Ou encore le sucre associé à la douceur et au plaisir, et qui a même été aussi associé à l'univers féminin à un certain moment. Au 17e siècle, certains médecins avaient des doutes concernant le sucre. Ils le trouvaient suspect parce que le sucre avait la capacité d'améliorer le goût de la nourriture et même la réputation de dissoudre l'or. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les joailliers. Vive les chimistes. Oui, il accusait donc le sucre de cacher sous sa blancheur une noirceur maléfique. Donc, cette phobie du sucre, elle est appelée la saccharophobie. Donc, d'un point de vue sociologique, c'est très intéressant puisque, d'un côté, le sucre est bon au goût, donc c'est une source de plaisir. Puis, à l'inverse, on parle du sucre sur un ton aussi moralisateur qui inspire la méfiance, qui inspire la peur. Donc, ces représentations du sucre font toujours l'objet d'études actuellement. Et plus tôt, tu disais que le goût sucré appartenait à l'univers féminin. Est-ce qu'on sait pourquoi? Mais ça, c'était au 17e siècle. Les femmes étaient reconnues pour avoir ce qu'on appelle le bec sucré. Ah ouais. Et on disait aussi que leur perception de ce goût sucré était plus fine comparativement aux hommes. Ah, tiens. D'ailleurs, on disait des hommes qui aimaient le sucre et les aliments sucrés qu'ils étaient efféminés. Donc, à cette époque-là, le goût sucré suscitait des commentaires plutôt négatifs et sexistes. Par exemple, on disait que le sucre, c'était pour les plus faible pour les enfants, les femmes et les malades. Donc, le goût sucré était aussi réputé pour prédisposer à la luxure. Donc, possiblement dans le milieu religieux. Donc, la luxure, hein, c'est un péché capital qui consiste à se livrer au plaisir sexuel sans retenue. Et une envie de sucre était interprétée comme étant la recherche d'une compensation à connotation sexuelle. Donc, ça, c'était à faire attention. C'était mieux de pas dire qu'on aimait le sucre. Donc, même au 20e siècle, ça fait pas si longtemps, l'association entre les femmes et le sucre était tellement ancrée dans l'imaginaire des gens que des magazines féminins recommandaient aux femmes enceintes d'avoir une alimentation sucrée. Vous devinerez pourquoi, si elles souhaitaient donner naissance à une fille. Donc, vraiment très scientifique comme mécanisme, encore une fois. Mais sur une note aussi, bon, différente, il existe un loisir associé au sucre et qui s'appelle la glycophilie. Oui, et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça signifie, en quoi ça consiste, la glycophilie? Oui, mais le préfixe glyco, ça vient du grec glucose, qui signifie doux et sucré. Puis le suffixe philie, ben, ça désigne une attirance ou une passion pour quelque chose. Donc, la glycophilie ici, ça veut dire la passion des emballages de sucre. Donc, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps lors d'un passage en France. Donc c'est des emballages de sucre oui. Et non du sucre, c'est ça. En fait, c'est parce que les collectionneurs de sucre emballé sont appelés des glycophiles, mais on a aussi les périglycophiles. Ça désigne la collection d'emballages de sucre vide. Mais okay. Là, pour l'acronyme d'aujourd'hui, je vais me limiter à la glycophilie, qui est l'emballage de sucre, mais bon, avec le sucre dedans. Okay. Mais Karine, est-ce que la glycophilie existe depuis longtemps? Mais c'est un loisir qui serait né vers la fin des années 60. Puis, les collectionneurs d'emballages de sucre ont été suffisamment nombreux à un moment pour créer officiellement un club des glycophiles en 84. En France. Donc aujourd'hui, ce club regroupe 380 membres qui se réunissent périodiquement dans différentes régions de la France et ça leur permet d'exposer leurs trouvailles et de partager leurs passions. Donc jusqu'à maintenant, les glycophiles ont recensé 75 000 emballages de sucre différents. Il existe aussi d'autres clubs du genre dans la plupart des régions d'Europe, des pays qui ont une tradition de production sucrière comme l'Allemagne, l'Italie ou la Suisse. Il semblerait aussi que ce genre de club existe au Canada. Donc, j'ai regardé sur le web et j'ai trouvé quelques informations. J'ai aussi vu de très beaux emballages de sucre bien colorés et invitants. Ces emballages-là, parce que là, on dit 75 000, c'est beaucoup. Donc, on se demande comment ça se peut, mais ils ont des formats différents. On dit qu'il y en a en forme de bûchette, là, les emballages qui sont faits en long qu'on voit dans les restaurants des fois. Des fois, c'est en forme de morceaux, de sachets. Il y en a certains aussi qui peuvent inclure des messages, je les appelle des messages sucrés, comme par exemple 6 grammes de plaisir qui est écrit sur l'emballage ou encore c'est du vrai sucre. Et aujourd'hui, le sucre fait encore l'objet de controverses, n'est-ce pas? Oui, et ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est que le goût sucré est devenu omniprésent. Et pour plusieurs raisons. Notamment, on a les aliments qui sont fabriqués par l'industrie qui sont souvent bien trop sucrés. C'est pas nécessaire d'être si sucré. Parce que, le sucre, c'est facile à ajouter, c'est riche en calories, ça goûte bon, ça fait vendre. On est habitué. Ouais, c'est pour ça qu'il y en mettre. Et on peut aussi penser aux boissons sucrées dont les ventes sont en croissance et qui sont plutôt dommageables pour la santé. Parce que, consommer en très, très grande quantité. Les boissons sucrées, ça inclut là, notamment les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les eaux vitaminées qu'on a vu apparaître aussi plus récemment, ou les boissons aux fruits là, de type punch ou cocktail, mais ça inclut pas les jus purs à 100%. Puis on sait aussi que ces boissons, les sodas, en fait, comme on dit en France, les boissons, c'est ça, gazeuses, elles sont disponibles à l'infini quand on va dans un fast-food. Je veux dire, on peut en avoir une chaudière presque parce que Les formats, les portions sont énormes. Puis on peut retourner aussi à la fontaine autant qu'on veut. C'est vrai. C'est ça, à volonté. Donc, voilà. Donc, c'est la quantité consommée est énorme. Puis surtout consommé par les enfants et les adolescents qui développent les habitudes alimentaires à ce moment-là. Bon, il y a ça. Il y a une autre raison aussi pourquoi il y a autant de sucre partout. On rapporte dans la littérature que les gens sont plus stressés qu'avant, que la consommation de sucre, elle est perçue comme étant rassurante et réconfortante. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuve de l'existence d'une addiction au sucre comme pour l'alcool, par exemple. Par contre, c'est vrai qu'on peut s'habituer à manger sucré. Donc, plus on mange sucré, plus on a envie de manger sucré. Mm-hmm. C'est comme un peu pour le sel. Donc, c'est une question d'habitude. Et en tant que nutritionniste, est-ce que tu penses que notre consommation... En fait, qu'est-ce que tu penses de notre consommation de sucre? Est-ce qu'on en mange trop? Oui, ben c'est ça. Notre consommation, elle est supérieure à nos besoins pour les différentes raisons énumérées là, juste avant. Moi, je pense que c'est beaucoup une question d'habitude. Mais si on voulait avoir une consommation de sucre qui est plus raisonnable, on pourrait cuisiner davantage à la maison pour pouvoir contrôler la quantité de sucre qui est présente dans notre nourriture puis dans nos recettes. Oui, parce que quand on l'achète, on sait que c'est écrit comme ingrédient, ouais, mais ils disent pas la quantité, par c'est exemple. C'est ça. Puis si on mange sucré, ben je suggère à ce moment-là peut-être de s'habituer graduellement à diminuer son goût pour le sucre. C'est sûr que si on diminue trop rapidement, ben on trouve que c'est différent, ça rend la transition plus difficile. Il faut y aller graduellement. On essaie d'y aller plus tranquillement, c'est ça. Puis aussi d'éviter les boissons sucrées, parce que là, je recommande jamais d'éviter des boissons ou des aliments. Jamais je fais ça, mais honnêtement, dans ce cas-là, ils sont plutôt nuisibles. Mm-hmm. À moins, évidemment, d'avoir couru un marathon ou d'être coincé sur une île déserte. Ou encore, comme on a connu cette semaine à Québec, lors d'un bris d'aqueduc qui rend l'eau non potable, si jamais on n'a plus d'eau puis que l'eau embouteillée n'est plus disponible dans les épiceries, si c'est tout ce qui reste, faut pas se déshydrater quand même. Donc, autrement, c'est sûr que le sucre a sa place dans l'équilibre alimentaire. C'est la nourriture de notre cerveau. Ben oui, on peut pas rien y faire. Voilà. Mais on peut facilement aller chercher tout ce sucre-là dans les aliments, comme les fruits, par exemple, mais sans avoir à en ajouter partout. Donc, ceci dit, il faudrait éviter aussi d'aller vers le sensationnalisme là, en considérant le sucre comme étant parfois un poison toxique. C'est quand même pas si pire que ça, là. C'est une question de quantité. Donc, faut penser aussi que manger, ça doit pas devenir dangereux. Puis, la peur de manger, ça améliore pas non plus les comportements alimentaires des gens. Donc, il faut rationaliser un petit peu. Tu as tout à fait raison. Et pour en savoir davantage sur les comportements alimentaires et la nutrition, ou pour écouter tes chroniques précédentes, on peut visiter ton site web à l'adresse carinegravel.com. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Alors, écoute, merci. Karine, je pense que tu nous réserves une pièce musicale de ton choix, je crois. Oui, on va poursuivre avec... la pièce musicale, c'est Les Sucettes de Serge Gainsbourg, pour finir dans le sucre. Oui.